Dieu nous a donné son esprit afin de nous permettre d'accomplir ce que nous serions incapables de faire par nos propres forces. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Les disciples ont passé 3 années de leur vie à voyager et à apprendre de Jésus. Avant de les quitter, il leur a dit d'attendre avant de débuter un ministère par leur propre force. On pourrait penser que l'entraînement qu'ils avaient reçu du Fils de Dieu était suffisant en soi, mais Jésus savait bien qu'ils ne pouvaient rien accomplir pour lui par leurs propres moyens. C'est pourquoi il leur a dit d'attendre le don de Dieu qui est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, à En Contact, Charles Stanley nous rappelle que nous ne sommes pas meilleurs que les premiers disciples de Jésus. Et sans la présence de l'Esprit de Dieu pour nous aider dans la vie, sans une vie remplie de cet Esprit, nous échouerons lamentablement dans nos projets. Voici l'enseignement basé sur la Bible de Charles Stanley. Ouvrons tout d'abord notre Bible dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Quand nous étudions ce verset dans la version originale grecque, nous notons que dans tous les autres passages où il est question d'être rempli du Saint-Esprit ou de plénitude du Saint-Esprit, dans l'Évangile de Luc ou le Livre des Actes, on constate que la traduction littérale est « être rempli avec le Saint-Esprit ». Or, dans ce passage d'Éphésiens, nous remarquons une préposition différente. Elle signifie, en gros, être rempli par le Saint-Esprit. Voici où se situe la différence. Quand la préposition « avec » est utilisée, nous avons l'idée d'un contenu. Or, quand il s'agit de « par », nous avons l'idée d'un agent. Lorsqu'on utilise « avec », on peut conclure que l'Esprit de Dieu descend sur nous. Or, quand la proposition « par » est utilisé, cela signifie que nous sommes remplis par le Saint-Esprit. Dans ce passage d'Éphésiens, il nous est dit de ne pas nous enivrer de vin. En d'autres mots, nous ne devons pas nous laisser contrôler ou dominer par cette substance, car c'est de la débauche. Mais la Bible nous commande d'être remplis de l'Esprit de Dieu. Quand nous parlons d'être remplis avec l'Esprit de Dieu, nous parlons de l'œuvre du Saint-Esprit au moment de notre conversion. Or, son action ne se limite pas à cela, car en fait, une vie remplie par l'Esprit est une vie vécue dans la soumission, sous la domination du Saint-Esprit et sous son contrôle. Une vie remplie de l'Esprit est une vie dans laquelle l'Esprit de Dieu gère ses bénédictions en nous utilisant, car il nous contrôle. Une vie remplie de l'Esprit est donc une vie contrôlée par le Saint-Esprit et qui lui est soumise. Il ne s'agit pas de manifestation ou de don. Elle est l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans la vie de chaque croyant. Arrêtons-nous maintenant pour penser un moment à l'objectif ou au but de la venue du Saint-Esprit dans notre vie. Nous savons déjà que le but d'une vie remplie de l'Esprit est d'être soumise et contrôlée par la personne du Saint-Esprit. Or, quel est l'objectif du Saint-Esprit lui-même? Dans quel but Jésus-Christ l'a-t-il envoyé? Pourquoi est-il venu? Nous avons déjà dit qu'il était venu comme un don de Dieu, et nous pouvons ajouter qu'il est venu pour nous permettre d'accomplir l'œuvre que Dieu a envisagée pour nous. Jésus savait que même ses apôtres ne pouvaient pas vivre la vie qu'il avait planifiée pour eux, c'est-à-dire une vie qui ressemble à la sienne. Jésus savait qu'ils en étaient incapables, et le meilleur exemple de cela est l'apôtre Pierre. Considérez la vie de Pierre. Il avait marché avec Jésus pendant 3 ans, et pourtant, sa vie chrétienne était un échec. Lorsque Jésus a annoncé aux apôtres qu'il allait être assassiné pour ressusciter le 3e jour, Pierre s'est permis de le reprendre en disant, comme le rapporte Matthieu, chapitre 16, verset 22, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Et Jésus a répliqué au verset suivant, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Cette réaction peut sembler excessive, mais nous devons comprendre ceci. Pierre essayait à ce moment de contrôler Jésus-Christ. Il ne pouvait pas faire cela, et nous ne le pouvons pas non plus. Pierre ne pouvait pas vivre selon la volonté de Dieu. Il ne pouvait pas connaître les pensées de Dieu, car pour cela, il faut être rempli de l'Esprit. Dieu nous a donc donné son Esprit afin de nous permettre de faire ce que nous ne pouvons pas accomplir par nos propres moyens. Une personne marchant dans l'Esprit, remplie de l'Esprit de Dieu, qui est sous son contrôle et sa domination, verra sa vie produire beaucoup de fruits. Un chrétien rempli de l'Esprit ne vient pas à l'église pour s'asseoir et écouter un sermon, simplement pour revenir le dimanche suivant. Un chrétien rempli de l'Esprit possède un appétit vorace pour Dieu. Quand une personne est remplie de l'Esprit et sous son contrôle, elle exprimera dans son existence présente la vie du Seigneur Jésus-Christ. Cela veut-il dire qu'elle ne péchera jamais? Non. Cela signifie-t-il qu'elle fera toujours tout ce que Dieu dit? Non. Car nous ne restons pas toujours sous son contrôle. Nous avons toujours la possibilité de nous éloigner de son contrôle, de refuser de lui être soumis à tout moment. Et pendant ce temps, nous ne sommes pas remplis de l'Esprit. Or, un croyant a en lui toute la présence du Saint-Esprit qu'il peut avoir. Il n'en aura jamais plus. En un sens, donc, nous pouvons dire que nous sommes toujours remplis de l'Esprit. Or, si dans son mode de vie, ce croyant ne marche pas en étant soumis à l'Esprit-Saint, c'est-à-dire sous son contrôle, dans ce sens, il ne vit pas dans la plénitude de l'Esprit. Il n'est pas vraiment rempli de l'Esprit. Pour être rempli de l'Esprit, nous ne devons pas chercher à recevoir plus de lui, mais nous devons chercher à lui donner plus de nous-mêmes. Nous devenons remplis de l'Esprit dans la mesure où il reçoit notre pleine mesure. Voyons maintenant deux exigences primordiales et essentielles qui nous permettront de marcher dans l'Esprit et de pouvoir exprimer la plénitude de l'Esprit dans notre vie. Pour y parvenir, je vais me servir de ma propre expérience. Je vais vous expliquer comment je suis arrivé au point de ma vie chrétienne où j'ai su, pour la première fois, ce que signifiait être rempli par le Saint-Esprit. J'étais encore un étudiant dans un séminaire lorsque j'ai été appelé à œuvrer dans une petite église, dans les montagnes de la Caroline du Nord. Le nom de l'endroit est Fruitland, la terre du fruit. Après avoir recherché les conseils de Dieu, il m'a semblé qu'il confirmait cet appel. J'ai donc écrit aux responsables pour accepter leur offre. Quelques mois plus tard, j'ai reçu une lettre du président d'un institut biblique dans la même région. Il voulait savoir si j'étais intéressé à venir enseigner dans son établissement. Ma réaction initiale a été de répondre oui et non. J'aurais bien aimé enseigner dans un institut biblique, mais je me sentais totalement incapable de le faire. Car j'aurais enseigné à des hommes qui étaient presque tous des pasteurs et je n'avais jamais été pasteur. Il m'a dressé une liste de tâches. Je devais enseigner l'homélétique qui montre comment préparer des sermons, en plus de la prédication, alors que j'en avais fait que très peu, et finalement l'évangélisation. Et je ne pouvais m'empêcher de penser, « Seigneur, non, je ne serai jamais capable !» Et ma première réaction a été de refuser cette offre. Or, plus je priais là-dessus, plus j'hésitais. Je ne sais pas si j'aurais le courage aujourd'hui de faire la même chose. Car plus je demandais au Seigneur de m'indiquer sa volonté, plus il semblait vouloir m'envoyer enseigner à l'Institut. J'ai finalement répondu oui. Je suis parti pour la Caroline peu après la remise des diplômes à mon séminaire. Je n'avais que 4 mois devant moi pour préparer mes cours avant le début de la nouvelle année scolaire. Je dois vous avouer que j'étais mort de peur chaque jour. J'étais terrifié à l'idée d'enseigner à tous ces hommes, des pasteurs expérimentés, alors que je n'avais jamais été pasteur jusque-là. Je devais leur enseigner comment préparer des sermons, alors que j'en avais moi-même pas préparé beaucoup. Je devais leur enseigner à prêcher. tout cela semblait irréel. Dans quoi m'étais-je embarqué? J'ai vraiment passé un été terrible. J'avais l'habitude de m'asseoir pour me réciter inlassablement la même rengaine. Je ne pense pas être capable. Je ne pense pas être capable. Je sais que je devrais être capable, mais je ne pense pas être capable. Pourtant, je continuais mon travail de préparation. Les jours s'écoulaient, les semaines s'écoulaient, les 4 mois se sont écoulés. Et j'étais désespéré. Non seulement me sentais-je incapable de remplir ma tâche, mais en plus, j'étais dans un triste état. J'avais lu, j'avais jeûné, j'avais prié, j'avais supplié, j'avais pleuré. J'avais tout fait, et j'aurais voulu en faire encore plus. Mais rien ne fonctionnait, absolument rien. Finalement, la dernière fin de semaine avant le début des cours est arrivée. Je me suis réveillé le matin, j'ai prié, j'ai lu ma Bible. J'ai dit à Dieu tout ce que je pouvais lui dire sur ma situation. J'étais encore totalement désespéré. Je pouvais déjà me voir entrer dans la classe devant tous ces hommes mûrs. Ils allaient sûrement se demander qui était ce genou assis à la place du professeur. À peine sorti du séminaire et inexpérimenté, j'avais la prétention de leur enseigner comment préparer des sermons, comment prêcher et évangéliser. Ils n'avaient aucune raison de me prendre au sérieux. Mais cet après-midi-là, autour de 16 heures, à force de désespoir, de lecture, de prière et d'étude, j'en suis venu à cette conclusion. Seigneur, je ne suis pas capable. Je n'ai plus aucun espoir. Je ne suis pas capable de faire cela. Tout ce que je peux faire, c'est de dépendre complètement de toi. Je me suis jeté à genoux et j'ai dit, « Seigneur, je suis désespéré. Je ne sais plus quoi faire. Je dépends entièrement et absolument de toi. Seigneur, je vais seulement faire ce que tu m'as dit. » Et je me rappelle avoir tourné dans la première épître de Jean, chapitre 5, versets 14 et 15. « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Après avoir lu cela, je me suis une autre fois tourné vers mon Dieu en disant, « Seigneur, tu m'as dit ces paroles par la bouche de ton serviteur. Il ne me reste que cet appui. Je suis tellement désespéré et totalement dépendant de toi et de ta parole. » Je ne peux que réclamer par la foi la plénitude de ton Saint-Esprit pour accomplir ta volonté pour ma vie. Je ne me suis pas mis à parler en langue. Je n'avais ni chaud ni froid. Rien ne m'a frappé. Je n'ai rien vu de particulier. Or, tout à coup, j'ai ressenti cette débordante impression de paix, une paix absolue. Je me suis relevé en sachant qu'il venait de se produire quelque chose de merveilleux. Je ne savais pas quoi dire. Je ne pouvais expliquer ni pourquoi, ni comment, mais je savais que j'étais rempli de l'Esprit de Dieu. Le jour venu, je suis entré dans la classe. Je n'avais pas peur. Je n'étais pas inquiet. Je ne tremblais pas. Je me sentais rempli de paix, de confiance et d'assurance. Et pendant environ 3 mois, Dieu m'a utilisé d'une façon incroyable. Car tout vient de lui, bien sûr. J'ai énormément appris sur Dieu dans cette école et il a beaucoup appris à mes élèves à travers moi. J'ai développé des amitiés qui durent encore aujourd'hui avec ces hommes qui ne m'ont jamais regardé en voyant un petit gars inexpérimenté. Car à partir du premier jour de classe, l'Esprit de Dieu a accompli quelque chose en moi et ils l'ont senti. Ils savaient qu'il ne s'agissait pas seulement d'un type inexpérimenté à peine sorti du séminaire. Je vous ai toutes dit ces choses pour une raison précise. Je crois que la vie remplie de l'Esprit commence quelque part dans cette vallée du désespoir. Seigneur, je ne suis pas capable. Tu vas devoir le faire à ma place. Car une condition préalable absolue pour la plénitude de l'Esprit dans votre vie quotidienne, tout autant que la mienne, est une conviction absolue et totale que nous ne sommes pas capables. Pourquoi? parce que Dieu ne nous a pas créés pour être capables. C'est pourquoi il a envoyé son Saint-Esprit. Car une vie remplie de l'Esprit est une vie contrôlée et soumise au Saint-Esprit. Et jusqu'à quel point devons-nous être soumis? Rappelez-vous que la question n'est pas combien nous pouvons recevoir du Saint-Esprit, mais plutôt quelle partie de nous sommes-nous prêts à remettre entre ses mains? Nous devons tous faire face à cette question dans notre marche chrétienne. Il arrive de temps à autre que je veuille garder une petite partie de ma personne pour mon usage personnel. Et que se produit-il alors? Du moment que je me réserve une partie de ma vie, je ne marche plus dans l'Esprit. Je ne suis plus rempli de l'Esprit de Dieu, ou si on veut, je ne suis plus rempli par l'Esprit de Dieu. En d'autres mots, je ne vis plus une existence remplie de l'Esprit. Oh, j'ai en moi autant de lui que je n'en aurai jamais, mais à ce moment, lui, il n'a pas de moi tout ce qu'il devrait avoir. Et nous sommes seulement remplis de l'Esprit quand nous avons pleinement et entièrement abdiqué devant lui. Et comment pouvons-nous faire cela? Eh bien, ce n'est pas en allant voir le pasteur en lui disant « Je veux reconsacrer ma vie au Seigneur ». Si je me suis entièrement donné à Dieu au moment de ma conversion, je n'ai pas besoin de reconsacrer ma vie au Seigneur Jésus-Christ. J'ai besoin de repentance. Je dois me repentir de mes mauvaises voies et redonner à Dieu la vie que je lui avais donnée au début de ma vie chrétienne. Je dois abdiquer ma souveraineté sur ma vie. C'est une question de soumission au Saint-Esprit. Et quand nous utilisons le terme « reconsécration », je crois que nous n'avons pas le courage de voir les choses telles qu'elles le sont réellement. Une vie remplie de l'Esprit est une vie de totale dépendance et de soumission. Et si je me réserve quelque chose qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, je ne suis plus rempli de l'Esprit à partir de ce moment. Pour vivre une vie remplie de l'Esprit, nous devons lui céder le contrôle de notre vie et nous soumettre à lui dans une entière et confiante dépendance. Je vous dis cela avec tout mon cœur, en toute sincérité, et je vous supplie de m'écouter attentivement, car je connais la confusion entourant ce sujet. Vous pouvez toujours parler en langue, ou prêcher l'Évangile, ou être un missionnaire, ou servir dans un autre ministère. Vous pouvez avoir toutes sortes de manifestations. Vous pouvez avoir toutes ces choses sans être rempli de l'Esprit. Car la plénitude de l'Esprit ne repose pas là. La plénitude de l'Esprit revient vivre sous le contrôle et la domination, dans la soumission et l'abdication de votre vie à la personne du Saint-Esprit qui habite en vous. Rien d'autre ne peut remplacer cette exigence. Avez-vous bien compris cela? Rien d'autre ne peut remplacer une vie soumise, contrôlée, dominée par le Saint-Esprit. Cela veut dire que j'ai transféré, délibérément, par un acte de ma volonté, toute autorité à lui afin qu'il domine, contrôle et utilise mon corps, mon âme et mon esprit à sa guise, selon sa volonté et non la mienne. Et quand je ne respecte pas cet engagement, je ne peux pas être rempli de l'Esprit. C'est pourquoi nous voyons parfois des gens qui parlent continuellement de manifestations de l'Esprit, de tel don ou de tel autre don, tout en vivant souvent dans le péché, mais en réclamant plus d'Esprit. Ils vivent dans sa présence, bien sûr, mais pas dans sa plénitude. Car une vie remplie de l'Esprit est une vie qui a abdiqué tout contrôle au Saint-Esprit. Je dois maintenant vous poser une question. Pensez-vous être rempli de l'Esprit? Au meilleur de votre connaissance, avez-vous transféré toute autorité à votre Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit? Ce dernier contrôle-t-il votre corps, votre âme, votre esprit, votre compte en banque, votre famille, votre travail, vos plans, vos buts, vos ambitions, votre avenir, vos amis, votre Église et toute autre chose? Car si vous ne lui avez pas tout donné, vous n'êtes pas rempli de l'Esprit. Je n'ai pas dit que vous ne pouviez pas servir Dieu sans être rempli de l'Esprit, mais je dis que vous ne pourrez pas être aussi efficace, car Dieu ne pourra pas travailler en vous et avec vous comme il voudrait le faire si vous ne l'êtes pas. Vous ne pouvez pas vivre en lui sans cela. Une vie remplie de l'Esprit est le don de Dieu et l'objectif de Dieu pour la vie de chaque croyant. Comment puis-je être conformé à la ressemblance du Christ si je m'éloigne de sa volonté en voulant faire la mienne et si je me réserve certains aspects de ma vie pour mon usage personnel? Car si je veux vivre chrétiennement, Christ doit vivre ma vie. Car je ne peux pas vivre sans lui. Et chaque fois que je décide de faire quelque chose de mes propres forces, j'échoue lamentablement. Car c'est ma dépendance de lui, ma soumission envers lui, l'abdication de moi-même et ma foi en lui qui m'assure le succès. Et si vous êtes rempli de l'Esprit, il vous rendra capable d'accomplir sa volonté. Il manifestera ses dons en vous comme il le veut. Or, le choix de ses dons ne vous appartient pas. Le Nouveau Testament et l'apôtre Paul affirment que vous devez être dominé par l'Esprit. Je le répète encore, vous avez été rempli avec l'Esprit le jour où vous avez été sauvé. La question est de savoir si vous êtes rempli par l'Esprit. Et pour répondre à cette question, vous devez déterminer à quel point vous vous êtes donné à lui. Quelle partie de vous possède-t-il? Une petite partie? Une grande partie? Ou toute votre personne? Car si vous voulez atteindre le maximum de votre potentiel comme enfant de Dieu, seule une vie remplie de l'Esprit transformera ce désir en réalité. Si vous voulez être efficace en toutes choses, seule une vie remplie de l'Esprit vous permettra de réussir. Or, une vie remplie de l'Esprit est une vie dans laquelle vous décidez de vous soumettre absolument, totalement et entièrement au contrôle du Saint-Esprit, afin de lui permettre de vivre en vous la vie du Seigneur Jésus-Christ. Et si on me demande, est-ce une décision que l'on doit prendre une seule fois dans sa vie, une fois pour toutes? Je vous répondrai que j'aimerais que ce soit le cas. J'aimerais tellement pouvoir dire, voici ma vie, Seigneur, prends-la toute maintenant et à toujours. Alléluia, gloire à Dieu. Mais c'est malheureusement impossible. Car si ce soir ou demain ou après-demain, je décide d'en faire à ma tête et de m'éloigner de la volonté de Dieu, à partir de ce moment, je ne suis plus rempli de l'Esprit. Je dois alors me repentir de mon péché, remercier Dieu de m'avoir indiqué ce péché, le remercier pour sa grâce, son pardon et le sang de Jésus-Christ qui a couvert ce péché, et le remercier de m'avoir rempli à nouveau de son Esprit. Et alors, je peux recommencer ma marche chrétienne remplie de l'Esprit au moment où je me soumets à sa volonté. On m'a déjà demandé comment se sent-on lorsqu'on est rempli de l'Esprit. Les sentiments ne sont pas nécessaires pour savoir que nous sommes remplis de l'Esprit. Dieu ne veut pas nous voir marcher à la recherche de sensations. Mais je peux vous dire ceci. Lorsque nous avons une conscience tranquille, nous nous sentons mieux, n'est-ce pas? Nous n'avons besoin de rien de plus au niveau de sentiment. Je n'ai pas besoin de recevoir le ciel sur la tête pour me repentir de mes péchés et me mettre en règle avec Dieu. Je peux le faire en un instant. Seigneur, merci de me montrer ce péché. Je m'en repens et je te remercie de me remplir à nouveau de ton Esprit. Nous pouvons faire cela aussi souvent que nous sommes prêts à nous soumettre à lui, et nous serons alors remplis de son Esprit. Je suis pasteur depuis plusieurs années, et je puis vous dire ceci. Nous recevons souvent le mérite qui ne nous revient pas. Ce n'est pas l'œuvre d'un pasteur, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Comme il est écrit dans Zacharie, chapitre 4, verset 6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon Esprit, dit l'Éternel des armées. Pourquoi le Saint-Esprit est-il venu à la Pentecôte? Parce que nous ne pouvions pas vivre chrétiennement par nous-mêmes, ni accomplir la volonté de Dieu par nos propres forces. Et pourquoi le Saint-Esprit nous remplit-il aujourd'hui? Pour les mêmes raisons. Si vous voulez vivre et accomplir la volonté de Dieu, vous devez l'accomplir à sa manière. Vous devez abandonner vos droits sur vous-même. C'est pourtant la dernière chose que nous sommes prêts à abandonner. Or, j'aimerais vous poser cette question. Aimeriez-vous vraiment savoir ce que Dieu peut vraiment accomplir en vous et par vous? Car, en ce qui me concerne, je ne veux pas vivre en me demandant ce que Dieu aurait pu faire si je lui avais laissé le contrôle de ma vie. La grâce de Dieu n'est-elle pas merveilleuse? Quand nous trébuchons et tombons, il le sait. Il nous voit trébucher, il nous voit tomber. Et qu'attend-il alors? Que veut-il entendre? Notre repentance. Et quand il l'entend, il nous remplit aussitôt de son esprit. Il ne dira pas « Ah, tiens !» comme s'il était surpris. « Tu es encore tombé dans le même panneau. Cette fois-ci, j'en ai assez. Je vais te laisser dans ton jus un bout de temps. » Non, Dieu n'est pas comme cela. Il veut nous voir marcher remplis de son esprit. Et il nous remplit au moment où nous le lui demandons. La marche dans l'esprit est une marche sous le contrôle et la domination du Saint-Esprit et la dépendance vis-à-vis de lui. À lui l'autorité, car c'est lui qui décide. Et voici une autre chose merveilleuse, à lui appartient la vraie vie. Une vie remplie de l'esprit est donc une vie sous le contrôle du Saint-Esprit. Et cette grâce est disponible pour chaque personne prête à se soumettre à Dieu, à comprendre et à reconnaître sa totale dépendance vis-à-vis de lui, et à l'accepter par la foi. Voilà la véritable vie. La seule manière de jouir de la vie chrétienne est de donner libre accès à Jésus-Christ pour chaque domaine de notre vie. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 13, « Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. » Vous aimez les enseignements du Dr. Stanley? Mais vous n'écrivez pas assez vite pour tout noter? Aujourd'hui, l'Espoir vous offre la revue En Contact qui reprend ses enseignements. De plus, cette revue comprend une pensée enrichissante qui vous permettra de commencer la journée sur le bon pied. Téléphonez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.